wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You tell me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's something about that work, work, work, work, work, work. Need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up there, work, work, work, work, work. You see me do my da da da da da. So me better work, work, work, work, work. When you walk out, la la la la la. When I catch from my tur tur tur tur. Rihanna et Drake sur Skyrock avec Work. Alors attention, hein, je le rappelle, on a des invites à vous offrir pour les 4 concerts Skyrock de Rihanna. Et l'approche, on est à J-3 maintenant. Riri, c'est vendredi à l'Alliance Riviera de Nice. Après, elle passe à Lille, à Lyon, du côté du Stade de France, à Paris-Saint-Denis. Ce matin, on a des invites par 5 et même tout au long de la journée à vous offrir pour le stade de vendredi du côté de Nice. Alors principe du jeu super simple, dès qu'on vous passe 2 titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20. Le ou la plus rapide repart avec ses places par 5 et il se pourrait que ça tombe dans les minutes qui viennent. Voilà, il y en a qui se disent il est 6h du mat, ça dort, ça pionce. Et ben non, nous on est au taquet et on est parti pour une nouvelle journée tous ensemble. Vous êtes tous les bienvenus, on est le mardi 12 juillet. Vincent avec vous, Morning Best avec les meilleurs moments du morning de Difool. On va parler des applis qui réveillent avec Difool et Romano. On va se mettre Ken Jones aussi, le son raga dancehall de l'été. Hola. Comment ça? She said konnichiwa. She said what in my French? I said bonjour madame. Then she said ça passe. And I said na boulet. No matter where I go, go. You know I love them all. Soprano Justin Timberlake et MHD aussi en prépa. Et là c'est l'actu et le sport, ouais. On y va direct. Rémi, le temps pour aujourd'hui, arrives-tu avec de bonnes nouvelles? La France t'écoute. Ouf, on a encore 10 départements en vigilance orange là pour les orages ce matin dans le Massif Central, l'Est et le Dauphiné. Et de manière générale, ce sera nuageux dans le Sud-Ouest et de la Normandie aux frontières du Nord. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Les températures, ce matin on a 12 degrés à Poitiers, 13 à Nantes, 14 à Lille et au Havre, 15 à Limoges, 16 à Clermont-Ferrand et à Paris, 17 à Toulouse, 18 à Lyon, 21 à Ajaccio, 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Cherbourg, 19 à Rennes, 20 du côté de Vannes, 21 à Lille et à Paris, 22 à Bordeaux, 23 à Angoulême, 25 à Strasbourg, 28 à Marseille et 30 du côté de Bastia. La pollution pas trop mal, les indices sont compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Perpignan, Nîmes, Marseille, Nice et Bastia. On est blindé de cadeaux ce matin avec l'enceinte, la Monster Backfloat à 200 €. On reparle de tout ça juste après l'actu. Faire du bénévolat pour toucher le RSA, la mesure avait fait polémique mais a pourtant été adoptée par le conseil départemental du Haut-Rhin. C'était la volonté du président du département Les Républicains, Eric Stroman. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier prochain. Le versement du revenu de solidarité active sera conditionné à un travail bénévole hebdomadaire de 7 heures. Eric Stroman estime que personne dans ce pays n'a vocation à se retrouver éternellement bénéficiaire. Le préfet a déposé un recours devant le tribunal administratif, mais la justice ne s'est pas encore prononcée. La colère des producteurs de lait de la Sarthe et de la Mayenne, ils se sont rassemblés hier soir devant l'usine Yoplait du Mans. Des déchets ont été déversés, la grille du site a été incendié. Ils protestent une nouvelle fois contre les prix du lait qu'ils estiment trop faibles. Les syndicats souhaitent l'ouverture de négociations. Ils suggèrent que la coopérative les soutienne davantage et donne le ton aux entreprises. Le baptême du feu pour Emmanuel Macron. Le leader du mouvement En Marche s'exprimera en meeting ce soir à la Mutualité à Paris, temple de la gauche. Un discours prononcé à 2 jours de la traditionnelle allocution du 14 juillet faite par le président. Sans surprise, le ministre de l'économie ne devrait pas se déclarer candidat à la présidentielle et ne devrait pas non plus annoncer son départ du gouvernement. Un taux de réussite record pour le bac suivi d'un autre taux record pour le brevet. 87,3% des candidats collégiens ont décroché leur premier diplôme avant d'accéder pour certains au lycée. Dans le détail, ils sont 711 800 à avoir été reçus. Bravo si vous êtes en tout cas concernés au passage. Les bons résultats

par la radio. Ou le radio réveil qui se met en marche, ou le téléphone qui se met en marche. D'ailleurs, comment vous réveillez le matin? Et je voudrais, dans un instant, vous conseiller quelques petites applications originales destinées à ceux qui ont du mal à se réveiller. Je sais pas combien de temps vous mettez pour vous lever. Entre le moment où le réveil sonne et le moment où vous levez, je sais qu'il y en a qui se réveillent hyper vite. C'est-à-dire que ça sonne, ils posent le pied par terre, ils sont debout et c'est parti pour la journée. Il y en a qui mettent une demi-heure à sortir de la couette. Il y en a qui remettent le réveil plusieurs fois. Genre ça sonne, vous appuyez dessus, ça sonne 8 minutes après, vous appuyez dessus. Ah, moi je fais ça, moi. Jusqu'à midi. Voilà, et qui arrive en retard alors dans ce cas-là. Combien de temps vous mettez pour vous réveiller le matin? Est-ce que quelqu'un vous réveille? Est-ce que vous avez une petite méthode pour vous réveiller plus vite? On attend tous vos messages. Allez-y sur le 41759, sur l'appli Skyrock. 4 minutes pour Sniper qui met pour se réveiller avant de sortir du lit, entre le moment où ça sonne et où il se réveille. Ah, bah tiens, moi pour éviter d'entendre gueuler ma mère, je me lève tout de suite dès que mon réveil sonne. Comme ça, je l'entends pas se lever vite de venir dans ma chambre. Ah, ah bah ouais. C'est parce que maman écrit au réveil. Ah ouais. Mais Carriole, je pense que ça devait être un calvaire pour ses parents. C'est Cad qui a envoyé le message. Ouais, pourquoi c'était un calvaire? Ah parce que Carriole, elle est pas trop du matin à la base. Ça tombe bien d'être au morning. Mais oui. C'est ouais, mais pas du tout. Mais maintenant j'ai appris, je me lève d'un bond. Grâce à nous. Grâce à vous. Ça fait plaisir. Alors, combien de temps vous mettez pour vous réveiller? Et si vous avez des problèmes pour vous réveiller, je vous propose maintenant les applis qui déchirent, l'appli originale pour les mois matinaux. Elle s'appelle Wake and Shake. C'est assez simple. Vous téléchargez cette appli sur vos smartphones, vous la récupérez, vous marquez l'heure de votre réveil, et quand le réveil sonne, pour que ça s'arrête de sonner, vous êtes obligé de secouer très très fort votre téléphone. Mais je pense que ça, ça t'amuse une fois, la deuxième fois, tu le pètes. C'est bon, il a arrêté. À vie. Plus tu le secoues fort, plus l'alarme diminue, au bout d'un moment, elle s'arrête. Ah ouais, faut vraiment mettre de l'énergie, quoi. Wake and Shake, c'est ça. Et la deuxième alarme, parce que j'en ai plusieurs, s'appelle Alarmy Sleep If You Can. Autrement dit, alarme, dors si tu peux. Ça vous contraint, pour désactiver l'alarme, à prendre une photo d'une pièce de votre appartement. En fait, le truc, il se met à sonner. C'est une vraie galère. Ça vous dit, prends une photo de ta cuisine. Là, t'es obligé de courir dans la cuisine. Ben, dans ce temps, le machin, il sonne. Tu prends la photo de ta cuisine et si l'appareil et l'appli décident que c'est bien la photo de ta cuisine, elle s'arrête. Moi, je me demande si c'est pas les fabricants de téléphones qui ont lancé ces applis pour qu'on les pète plus vite et qu'on les rachète plus vite. Possible. Parce que l'histoire de te lever, t'es dans un pâté pas possible. Ouais, va prendre tes WC en photo. C'est pour faire tomber son téléphone, C'est fait pour, Vous en voulez une troisième? Allez, une troisième. Une troisième, elle s'appelle Smile Clock. Alors Smile Clock, c'est assez simple, c'est pareil, ça sonne, ça fait du bruit et ça vous demande de prendre une photo de vous, un selfie. Prenez un selfie avec un sourire. Si l'appareil et l'appli décident que le selfie est joli, que vous avez fait un beau sourire, elle s'arrête de sonner. Ah donc c'est l'appli qui décide si tu es assez bien réveillé. C'est quoi. L'appli qui décide si elle continue de te casser les couilles ou pas. Voilà. Exactement. C'est le genre de truc, ça doit bugger une fois sur deux. T'as beau sourire, refuse. Oui, c'est sourire. Try again. T'imagines au bout d'un moment, c'est vrai, tu le casses. Donc les trois applis, je vous rappelle leur nom: Wake and Shake, Alarmy Sleep If You Can et Smile comme le sourire. Clock. Bah moi ça réveille quoi. Smile Clock. Ah tiens, et aussi t'as la 26 ans là, une fille qui nous dit il y a une appli, ça réveille et des dès qu'il sonne, il faut que tu te lèves et que tu fasses deux tours sur toi-même avec le téléphone. C'est l'horreur. Ça c'est bien l'horreur, Je n'avais pas celle-ci parmi les meilleures applis, désolé. Merci. Pas mal. Allez, c'est l'heure du radio réveil, mais le vrai radio réveil. Ouais. C'est la radio qui vous appelle chez vous pour vous réveiller. C'est ça. Alors nous, on appelle des gens qu'on a pris au hasard. Là, non, ce n'est pas votre téléphone qui sonne, si vous avez un Apple. Ouais, n'ayez pas peur. Oui, c'est nous qui jouons avec des bruits. Ouais, j'adore. Tout le monde a regardé dans ses poches, là. Oui, tout le monde a regardé. Ah, bah, tiens. Même moi, je l'ai fait. Ah, ça, c'est énervant. C'est celui-là, le pire. Allô? Bah, c'est le mien. Oui, allô? Oui. Allô, Philippe, comment vas-tu? Bonjour, Philippe. Oui, ça va bien. Mais qui est à l'appareil? Eh ben, debout là-dedans, Philippe. Debout. C'est l'application du réveil, sourire. Le Smile Wake Up. Ouais, ça s'appelle, vous êtes des gros comiques. Bah oui. Ah bah des gros comiques. Eh, des gros déconneurs. Eh d'ailleurs, tu sais comment on appelle un chien sans pattes? Ouais, vas-y. Eh bah on l'appelle pas, on va le chercher. Super marrant. Ah bah ouais, marrant. Elle est pas mal. Ah, elle est super. Est-ce que tu sais comment on appelle un boomerang qui revient pas? Tu le lances, il revient pas, c'est quoi? Ouais, vas-y, continue, ça me fait rien. C'est un bout de bois. Ah bah alors là, vraiment, je suis scié de rire. Mais ça s'entend. Attends, mais c'est pas fini. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle crocodile?

Le diable ne s'habille plus en Prada, le son de Soprano sur Skyrock, c'est l'un des sons que vous retrouvez sur la triple compile Planète Rap 2016 qu'on aura l'occasion de vous offrir dans la matinée. Elle tombe tout au long de la journée dans la roulette avec en bonus votre enceinte, la Monster Backfloat d'une valeur de 200 € pour participer à la roulette. Il faudra envoyer roulette au 72020, on vous donnera le top inscription dans le cours de la matinée. Mardi matin, bienvenue à vous tous, il est 6h17 au taquet pour attaquer cette nouvelle journée avec les meilleurs moments du morning de Difool, le réveil de Star. C'est parti, Justin Timberlake aussi avec Can't Stop the Feeling. Et il est là, voici un gars du FBI ce matin. Agent Derek Morgan. Oui, parce qu'on fait du lourd dans le réveil de Star. L'agent Derek Morgan qui arrive pour le réveil de Star, réveiller des familles de France. Ah, c'est ça. Et oui, c'est ça, on va y aller tout de suite. Hein. Alors vas-y, balance. Attends. C'est ta mission. Donc là, ce qu'on va faire, donc, c'est mettre en contact une famille, la famille de Gérard, avec Derek Morgan de Esprit Criminel. C'est carrément du délire. Mais oui, tu as raison. Délire total. C'est du délire. Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Derek me demande si... Cédric est toujours avec nous. C'est un sadique sexuel. Oui, je sais. Oui, mais ne t'inquiète pas, on va s'occuper de son cas. Oui, il veut te dire bonjour, Cédric. Salut. Alors, Einstein, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Ça va, ma gueule, tranquille. Il semble impulsif. Oui, mais c'est Cédric, c'est ça. Il est nerveux. Il est nerveux. Bon, on y va, là, tout de suite? Allez, réveil de Star. Allez, réveil de Star, on va voir ce que c'est. Le réveil de Star. Une star. Un appel. On écoute. Et on appelle Gérard avec... Esprit Criminel, ce matin, c'est sur Skyrock, le réveil. Allô de Star. FBI, bougez plus. Et vous êtes qui? Agent Derek Morgan. Je vous connais pas, c'est quoi? Où est votre frère? Mon frère? Oui. Alors là, on part sur des délires, là. C'est un salopard. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire, là. Où vous me dites qui vous êtes, où je raccroche, et puis ça sert à rien de me rappeler. Agent Derek Morgan. Bon, et vous commencez à me faire chier avec votre agence, là? Non, je te rappelle. C'est le FBI. Gérard, c'est le FBI qui t'appelle. Mais oui, ce matin. C'est Derek Morgan. Derek Morgan du FBI. Gérard n'a demandé qu'on ne le rappelle pas. C'est une bonne raison pour lui repasser un coup. Allez, on y retourne. Oui. Là, quand même, un gars du FBI, Gérard et le FBI. Vous imaginez Gérard un jour en contact avec le FBI? Jamais il aurait imaginé ça. Allô? Agent Derek Morgan. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête un peu de crier. Non, c'est toi qui vas arrêter de m'emmerder, d'accord? Je crois pas, non. Donc tu vas arrêter de m'emmerder. Alors Einstein, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Einstein, ferme ta gueule, connard. Je vais aller à la gendarmerie tout de suite. On va appeler Orange et on va avoir ton numéro. Ta boîte en secret, je vais m'occuper de ton cas. Numéro de d'accord FBI. C'est de la provocation. T'inquiète pas, je vais te retrouver. Et je vais savoir d'où provient ton numéro de téléphone. On peut vous poser quelques questions? Non. Mais on a besoin de ton aide pour trouver le vrai tueur. Et tu le connais? Ouais. Craig Baylor est un meurtrier. Et ouais, c'est ça, allez. Si vous vous mettez à table tout de suite, on sera peut-être un peu plus clément. Ouais, bah non, moi j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que vous savez sur cette victime? Mais qu'est-ce que tu me fais chier là? Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Vous êtes en état d'arrestation! Ciao! Bonne journée! C'est bien, bravo! Greg Baylor, là, c'est le criminel. Oui, on a découvert donc Derek Morgan, qui est sur la trace de Greg Baylor et qui est venu se renseigner chez Gérard, qui habite à Saint-Pégus-sur-Sioule. Et oui, il fait des enquêtes dans le monde entier. Gérard, il est un peu nerveux quand même. Oui, un peu. On remercie quand même l'agent qui est resté calme, hein, l'agent Derek Morgan. Agent Derek Morgan. Lui-même en personne. Oui, on connaît. Oui, merci Derek Morgan. Merci à toi pour cette enquête. Et merci à Gérard surtout. Ah oui. Et Gérard et la famille, ils étaient beaux tous les deux. Ah, Gérard, 6h09. The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling.

matin, le Morning Best avec les meilleurs moments du Morning de Difool et le jeu de Cédric, c'est maintenant. Il a quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Cédric le Belge, seras-tu meilleur que lui? Eh bien, Isabelle, on va voir ça tout de suite. Salut Isabelle. Bonjour les filles. Bonjour Isabelle. Bienvenue Isabelle. Bienvenue sur Skyrock. T'as 30 ans et t'es à Orléans, toi, c'est ça, hein? C'est ça. Les 30 secondes, les premières sont pour Cédric. Allez. Cédric, attention. Je suis prêt. On va tester ta culture, on va balayer tous les domaines ce matin. Attention, 3, balayons. 2, 1, top question. Première question, question logique. Il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf à la coque. Combien de temps faut-il pour en faire cuire 2? 3. Bonne réponse. 1 point. Cédric, 1 point. Petite question géographie. De quelle couleur sont quelles sont les couleurs de l'Irlande? Quelle est la couleur du drapeau de l'Irlande? Oh, je sais pas. Excuse-moi Cédric, je t'ai fait perdre un petit peu de temps. Je suis désolé. Hein. Grave, tu m'en veux pas Isabelle d'avoir fait perdre du temps à Cédric. Matt, combien 6 x 7 ça fait 42. Oui, bonne réponse. Deux points, Cédric. Dommage que tu aies perdu du temps. Ouais, bah oui. Mais faut répondre plus vite, Cédric. Ouais, ah ouais. T'es gentil, Difool. Plus réactif. Le type parle normal sur le chrono, quoi. Bon, ça fait 2 points. Oh, deux points, quand même. C'est pas mal. C'est bien. Ouais. Isabelle, faut faire mieux que 2 points. T'es prête? Ok, c'est parti. Alors attention avec toi, je vais aller vite, t'inquiète. Alors 3, 2, 1, top question. Question logique, un fermier a 18 vaches, elles meurent toutes sauf 6. Combien reste-t-il? 12. Non, 6. Bah 6, ouais, bah, oui. Pardon. Drapeau. Oui, quelles sont les couleurs du drapeau du Japon? Rouge et blanc. Oui, bonne réponse. 1 point. Mathématiques, combien font 7 x 7? 49. Bien joué. 2 points. Conjugaison, conjugue-moi le verbe croire au présent à la troisième personne du pluriel. Il croit. Bonne 3 réponse. Points. Quelle est la plus petite unité de mémoire utilisable? Dommage. Sur un ordinateur, il s'agissait de la bite. Eh ben oui. J'aurais pas trouvé, tu vois. C'était le bite, en fait. Ouais, le BIT, quoi. C'était BIT. Pas mal, Isabelle. Alors, pas mal. 3 fois 50 égale 150. Tu viens de gagner 150 euros ce matin en battant Cédric. Ouais, trop cool. Bravo. Bien joué. Et les drapeaux, les couleurs du drapeau de l'Irlande, c'était vert, blanc et orange. C'est ça. Ouais. Et ouais, Cédric, malheureusement, tu t'es trouvé. Ouais. C'est pas toi qui pars avec les sous, Cédric, c'est pour Isabelle. Eh, dommage. 150 euros pour Isabelle. Et voilà, comme ça, au réveil le matin, tu gagnes 150 euros, c'est bien. Hein, eh ben oui. C'est cool. Bravo, Isabelle. Profite bien, tu salues tout le monde à Orléans. Bonne journée de travail, okay. Éclate-toi merci. Bien. Merci, bonne journée. Les meilleurs moments du Morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Mike Posner qui arrive pour le son. I took a pill in Ibiza. Il est 6h31, mardi matin, le 12 juillet. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà un week-end férié qui approche, vu que jeudi, c'est férié. Vous serez nombreux à faire le pont. On se réveille tranquillou avec tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le Morning de Difool avec un chiffre qui fait peur. Difool va vous donner le pourcentage, le nombre de Français qui pensent sortir avec la mauvaise personne. L'horoscope de l'amour également qui se prépare. Et puis surveillez bien, dès que vous entendez 2 titres à la suite de Rihanna, il y a peut-être une double en préparation. On va écouter au moins un son de Rihanna d'ici à 7h, peut-être 2. Dès que vous entendez 2 titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos invités par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna. C'est vendredi sur la scène de l'Alliance Rivera de Nice. L'actu, le sport, on y va tout de suite. Rémi, le temps pour ce matin, ça dit quoi? Oh, c'est pas terrible hein, le temps pour aujourd'hui. On n'a plus aucun département en alerte orange, c'est vrai, pour les orages, mais un temps instable de manière générale. Ce sera pluvieux et nuageux dans le sud-ouest et de la Normandie aux frontières du nord. Des averses attendues également sur le Dauphiné, le Massif central et sur les Alpes. Alternance de nuages et d'éclaircies partout. Tout ailleurs. Les températures ce matin en baisse, 13 degrés à Beauvais, 14 à Lille et à Rouen, 16 à Saint-Etienne et à Paris, 17 à Nancy, 18 à Strasbourg, 19 à Lyon, 22 à Marseille, 23 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Brest, 20 à Nantes, 21 à Lille, 22 à Orléans, 23 à Toulouse, 24 à Lyon, 25 à Auxerre, 28 à Marseille et 30 du côté de Toulon. La pollution, eh bien c'était pas trop mal. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Perpignan, Nîmes, Marseille, Nice et Bastia. Votre horoscope de l'amour a pas loupé dans moins d'un quart d'heure, là c'est parti pour l'actu. Et un sondage qui vient un petit peu confirmer ce que tout le monde pense, les hommes sont plus dangereux au volant que les femmes, c'est ce qui ressort d'une étude OpinionWay publiée aujourd'hui. Les femmes ont du mal à laisser conduire les hommes par manque de confiance et les hommes reconnaissent bien volontiers que le sexe opposé a une conduite bien plus cool. Si on rentre dans le détail, les femmes s'attribuent une note de 7,5 sur 10 pour leur conduite, les hommes par contre se mettent 7,7, en revanche les messieurs affirment être courtois et avoir une bonne maîtrise de leur véhicule. Le démantèlement de la partie nord de la jungle de Calais

I Took a Pill in Ibiza de Mike Posner sur Skyrock à 6h38 dans le Morning Best. On est premier sur la déconne pendant tout l'été avec les meilleurs moments du Morning de Difool. On va parler des vacances d'ailleurs juste avant 7h avec Difool et Romano. Et là tout de suite on va parler du chiffre qui fait peur. Sachez que 20% c'est le chiffre des le pourcentage de Français qui à 50 ans regrettent d'avoir fait leur vie avec la mauvaise personne. On reparle de tout ça maintenant avec Difool et Romano. On se mettra du son aussi Vita et Jul avec Ça les dérange. Et puis il y aura un son de Rihanna également, peut-être un deuxième. Restez à l'écoute. On appelle donc une famille, on va tomber sur l'homme ou la femme et on va dire à l'homme ou la femme qu'on regrette de ne pas lui avoir envoyé notre flamme. Allô, oui. C'est qui? Jean-Claude. Jean-Claude. Oui. Bonjour Jean-Claude. Bah tiens, je te le laisse. Hein. C'est gentil. Comment vas-tu Jean-Claude? Oui, toi, j'ai l'air sympa en plus. Et d'abord, moi, je te tutoie pas à qui tu es, toi. Oui, là. Jean-Claude, si je te tutoie, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que je regrette. Ça fait longtemps que je te connais, longtemps que je te croise dans la rue. Là où tu vas travailler. Et je voulais Moi, je t'emmerde. Oui, c'est gentil, Jean-Claude. Oh là, ouais, Jean-Claude. Il est de bonne humeur, lui. Le feeling est passé. Tu te détends déjà. Putain, je vais lui annoncer que je le kiffe, c'est pas facile. Hein. Ouais. Jean-Claude, je voulais t'annoncer que je regrettais de ne pas t'avoir avoué les sentiments que j'avais pour toi, Jean-Claude. Ouais, mais tu vas te faire enculer ailleurs, qu'on l'a. Oui, justement, c'est pour ça que je t'appelais, Jean-Claude. Tu vas te faire enculer, ça va te faire du bien. Oui, oui mais oula. Jean-Claude, c'était pour te demander à toi, est-ce que tu peux me rendre ce petit service, Jean-Claude? Non, mais Jean-Claude est parti. Oh, c'est dommage. Mais par contre, Jean-Claude a envie de te donner beaucoup d'amour. Vraiment sympathique, Jean-Claude. C'est pas Jean-Claude, c'est Jean-Cul. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, à toi, Romano, tu rigolais, là. Allez, allons, va chez Stéphane. C'est sympa, tu m'as refilé Jean-Claude. Moi, je veux une musique un peu romantique. Toi, t'es lover, toi. Oh, l'amour. Eh oui, l'amour. Bonjour. Ça sera Louis. Bonjour. Allô? Allô? Louis? Oui, oui, c'est la femme de Louis? Non, c'est Louis. C'est lui-même. C'est Louis. Ah, je t'avais pas reconnu, Louis. Comment vas-tu? Tu commences bien. C'est qui est au téléphone? C'est Jean-Louis à l'appareil. D'Ivoire, ça fait des années là que je te vois dans le quartier. Et j'ai jamais osé te l'avouer. Et je regrette de pas l'avoir fait avant. C'est je t'aime. Oh, ah bah c'est bien, moi je t'encule. Encore. Ah bah de l'amour. C'est de l'amour. La matinée. Oh oui, c'est une preuve d'amour ça. Ah ça c'est l'amour brut ça. Ah oui, comme on aime. Ah oui. Ah oui, mon Louis. Non mais c'était pas les deux, c'est pas possible. Ah ouais. Oui, je l'aime. Sur la même activité. Autant d'amour que ça me fait toute chose moi. Moi je t'encule. Ah. Normal, il te l'a sorti nature. Ah ouais. Eh bien on remercie Louis, il était très vraiment, bien. Sympa, ouais. Donc Louis, j'ai des regrets, toi comment il s'appelait? Jean-Claude. Ah, Jean-Claude alias Jean-Claude. C'est exactement, ouais. C'est ça. Bon, ben n'ayez pas de regrets, mais faites attention quand même, hein, on sait jamais. Merci pour tous les messages que vous avez envoyés. 6h-9h, Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse les parler, vas-y, laisse les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, j'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange, j'ai qui pense en toi. Mon marche à la parole, j'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange, j'ai qui pense en toi. On en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse les parler, vas-y, laisse les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange. J'ai qui pense sur mon dos. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange. J'ai qui pense sur mon dos. On en a rien à foutre. J'crois qu'ils m'ont pris pour un autre. J'peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. on tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? On va d'où on vient? On va d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés, dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Vita Jul sur Skyrock, ça les dérange. Toute la déconne de Difool et Romano tous les matins sur Skyrock. Dans le Morning Best, on va parler des vacances. Vous allez découvrir le pourcentage de Français qui partent en vacances cette année. Qui part en vacances? Qui va faire quoi? On en parle dans quelques secondes avec Difool et Romano. Votre horoscope de l'amour également en prépa. Et puis un son de Rihanna également. Riri, on va l'écouter avec Diamonds. Alors attention, je vous rappelle que si on passe un deuxième titre de Rihanna juste derrière, vous envoyez Rihanna au 7-20-20. Vous repartez avec vos places par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna vendredi à l'Alliance Rivera de Nice. Il y en a qui se disent ouais, il est quand même très très tôt, on est avant 7h du mat, il va jamais lâcher les places pour Rihanna. Hier matin c'est tombé à la même heure hein, pour Martin du 33, c'est même tombé encore plus tôt. Donc voilà, peut-être deux sons de Rihanna avant 7h. Vous restez dans le coin et puis donc l'horoscope de l'amour dans 1 minute 01. Planète Rap 2016 avec en exclu Joule, MHD, SCH, Escrou. J'ai déconné, j'aurais pas dû, je l'ai déçu, je l'ai perdu. Soprano. Designer. Planète Rap 2016. Toutes les bombes Skyrock sur 3 CD. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Ouverture, auto. Voiture décapotable. Porte-garage. Isolation thermique. 40 mm. Grande qualité. Fabrication européenne. Petit prix. 289 euros. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Porte de garage sectionnelle blanche, motorisée, à seulement 289 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 13 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Ouverture exceptionnelle le jeudi 14 juillet dès 8h. Hors dépôt Alsace-Moselle. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. 7h moins le quart, juste avant de retrouver Difool et Romano. C'est parti pour votre horoscope de l'amour. On est le mardi 12 juillet. C'est 0 sur 5 de puissance amoureuse, malheureusement, pour les Capricornes. Et pour les Verseaux, fuyez les discours négatifs. 1 sur 5 Capricorne. 1 sur 5, 0 sur 5 Capricorne et Verseaux. 1 sur 5 Scorpion et Cancer. En cette période de mercato amoureux, attention à ne pas vous retrouver sur la liste des transferts. 2 sur 5 Taureau et Poisson. Célibataire, on vous conseille l'appli Smax pour découvrir qui sont les cœurs à prendre dans votre pâté de maison. 3 sur 5 Balance et Sagittaire et un surplein de bonne humeur qui vous amènera à élargir votre cercle social. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les Béliers et pour les Lions. On adore votre style et on vous le fera savoir. Et enfin, les Gémeaux et les Vierges avec l'adrénaline des grands jours qui jaillit dans tous les sens. Les Gémeaux et les Vierges avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. On retrouve Difool et Romano maintenant. Juste derrière un son de Rihanna. Attention, s'il y en a un deuxième derrière, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos invites par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna vendredi à l'Alliance Riviera de Nice. Préparez-vous et la suite du Morning Best, c'est maintenant. Est-ce que les Français partent en vacances? Voici le sondage du jour. On va étudier tout ça. Les Français partent-ils en vacances cette année? Quel est le pourcentage des Français qui partent en vacances? Vous savez ou pas? Allez, je dirais 55%. Putain, Romano, pas mal. Moi, je dirais moins. Eh ben tu as tort. Ah ouais, pas mal. Fallait dire un peu plus, fallait dire 57%. Ah ouais, je suis vraiment à 2% près. Mais demandez-moi, je fais des études sur les vacances. Alors, parmi ceux qui partent pas, parmi les 43% qui partent pas, il y a ceux qui ont pas envie de partir. Hein, oui. Ils sont bien à la maison. Ceux qui sont en vacances tout le temps aussi. Hein, oui. Les retraités aussi. Ouais. Ah. Et sinon, il y a 15% des Français quand même qui n'ont pas les moyens de partir cet été. Bah, c'est vrai qu'il faut de l'oseille. Hein. J'espère qu'on vous appellera pour les 1500 euros. Bah, on pourra pas appeler les 15% des Français qui ne pourront pas partir. Mais au moins vous, ça serait pas mal. Et pour les destinations des Français, ouais, est-ce qu'ils partent en priorité? Espagne. En France. Bonne réponse de Romano. Oui. Oh. Ah. Et ouais, mais décidément, mais tu l'as vu mon sondage, non? Mais non, parce que moi, les vacances, c'est une véritable passion chez moi. Vous savez comme il est fort. Après les canapés. 64% des Français, pardon, 64% partent en France. En ouais. Bon, c'est moins loin, donc c'est non, moins cher. Non, mais c'est vrai qu'on a un paquet d'endroits sympas quand même. C'est vrai, on a l'Atlantique, on a la Méditerranée. Ouais, moins cher. On a la mer du Nord, ah, du côté oui. chez Cédric. Ah bah attends, bah ouais. ça, The Dream. En Belgique. La Manche, du côté de Deauville, Trouville, Caen. Cherbourg. Ah, Cherbourg. Et alors, la Manche. Je vous ai fait toutes les mers. Allez, oui. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de mers en France. Hein. Puis on a une île, la Corse. Enfin, on a plein d'îles. Oh, on a même plein de petites îles, oui. L'île Dorée, tout ça. L'île d'Oléron. L'île d'Oléron, tout à tout. Alors 64% ils partent en France, bon déjà c'est moins cher. Et sinon ouais c'est l'Espagne. Espagne, le pays le plus visité par les Français, c'est l'Espagne. Après on trouve l'Italie. Ah ouais. Et ouais. Et puis sinon bah d'autres destinations un petit peu plus plus lointaines. Les destinations ont quelque peu changé parce qu'il y a encore quelques années il y avait la Tunisie, mais bon. La Tunisie a baissé au classement. Ouais. Le Maroc est toujours là par contre. Hein, et la Grèce, je crois que c'est reparti un peu. Eh bien on trouve la Grèce et le Maroc derrière. Ouais. Voilà pour les destinations des Français. Donc j'ai dû sur les vacances. Mais je vois que tu es très très très fort. C'est vrai que tu pars dans la Grèce, non? Non. Non, du tout. Non, il y est dedans toute l'année. Non, c'est Rémi qui va là cette année. Parce que ils partent tous avec Rémi, ils sont dedans toute l'année. Donc, ah, bah, très bien. N'importe quoi. Belle destination. On part ensemble. Bah ouais, en couple. Alors l'équipe, vous allez où en vacances? Tu vas où, Cédric? Moi, je pense que je vais faire l'Espagne et je sais pas après. Faut que je trouve. L'Espagne et je sais pas après. Ouais. Ah, attendez. Excusez-moi. J'ai l'ambassade d'Italie qui me passe un coup de fil. C'est fermé. Ma che chi resta in Spagna? Eh, chi ne piace pas chez nous? Tu vas pas en Italie, sérieux? Bah pourquoi pas? Attends, j'ai des amis qui vont en Italie. Romano, tu vas où? Romano. Ah, j'y vais plus. C'est annulé. Non, nous, avec Cariole, on va sur la Côte d'Azur et en Sardaigne. Très bien. Oh, là, deux destinations pour le prix. Bah, sur la Côte d'Azur, c'est pratique parce que Cariole, ses parents, ils ont un appartement. Et je suis italienne aussi, donc on va en Italie tous les ans. Et voilà. Donc Romano, ça lui coûte que dalle. Zéro. Eh oui, c'est pas cher. Eh oui, petit tour sur la Côte d'Azur. C'est bien d'en profiter. Bon, moi, Italie. Karim, tu vas où? Ah, j'ai pas encore de destination prévue. T'as pas de destination prévue? Bah, part avec Cédric. Ouais, mais voilà, oui, peut-être pas faire et avec Rémi. Viens, on va en Italie et en Sardaigne. Non, mais. Ouais, on les rejoint. Allez, dans la Grèce tous les trois. C'est parti. T'inquiète, chez où ils vont, on va squatter chez eux des fois. Il y a des gens qui travaillent, messieurs. Genre. Tu parles de Cédric et de Rémi. De Rémi, oui. Oui, toi, plus ça. Bon, bah, bonnes vacances à vous. Profitez bien. Moi, je pars aux États-Unis. Ah, il y en a plusieurs qui vont aux États-Unis. Il y avait Blue, j'avais lu son message. Il y a également Catel qui va partir du côté des États-Unis. On te fait un bisou. L'Espagne, ah, bah, il y a Toff, lui. Pas de boulot. Pas de vacances, boulot. Ah, Momo, lui, il part en septembre à destination Haute-Savoie, Suisse, cher. Italie. Enfin, petit tour du coin là-bas. Petit tour des c'est vrai qu'en septembre, des fois, il fait encore super beau, il y a moins de monde et c'est moins cher. Et c'est moins cher. Portugal. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas cité le Portugal. Ouais, j'ai eu pas mal de messages du Portugal. Tiens, il y a Jérémy Alves, pour moi, c'est le Saint-Tropez portugais. Albufeira. Albufeira. Portugal. En Haïti pour Saranchou. Vous avez des destinations, ça fait rêver. La Turquie pour Akan. Ah, retour au bled pour Akan. Il y a Nomali, elle part en Espagne. Bon, l'Espagne, première destination des Français, deuxième destination l'Italie. Et puis, bien sinon, on part en France. Et puis sinon, on travaille. Hein. Eh ben voilà. 6h-9h, on est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of sunrise. Universe as we moonshine and Mali, feel the warmth will never. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine. Du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning show. Morning best. What's wrong with me? Why do I feel like this? Gagné pour le premier stade en France de Rihanna. Allô Stéphanie. Oui, bonjour. 31 ans, Stéphanie la Toulonnaise. Sois la bienvenue sur Skyrock. Stéphanie, qu'est-ce qui vient de passer là à l'instant sur Skyrock? Les deux titres de Rihanna. Exactement, Stéphanie. Félicitations à toi, t'as été la plus rapide à envoyer Rihanna au 7-20-20. Tu repars, tu sais combien de places t'as gagné? 5. 5, exactement, voilà, je vois que tu super, suis. Super, génial. Ça fait plaisir, voilà, tu seras vendredi l'Alliance Riviera de Nice, le premier des 4 concerts Skyrock de Rihanna. Voilà, on est pressé de la retrouver, concert Skyrock, et voilà, on va t'envoyer vite tes 5 invites à la maison. Bravo, Steph. Merci beaucoup, c'est super. Bonne journée à toi. Merci Skyrock, bonne journée. Bisous Stéphanie, ciao, ciao. Voilà, bisous, 5, ciao. Bisous, ciao. Voilà, 5 places pour le concert Skyrock de Rihanna à Nice pour Stéphanie, la Toulonnaise, et puis bah, restez bien à l'écoute. Dans les jours qui viennent, on aura aussi Lille, Lyon et le Stade de France à vous offrir. Pour tous ceux qui posent la question, là pour l'instant on gère Nice et il y aura encore des places à vous offrir. Dans le cours de la matinée, on revient avec One Dance de Drake et les conseils pas chers de Romano. 100 places à gagner pour le premier stade en France de Rihanna. This is Rihanna. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice. Dès que tu entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna au 7-20-20 Skyrock. Et gagne 5 places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock. So you guys ready? Tes 5 places Rihanna à gagner au 7-20-20. 65 centimes plus coût d'un SMS. Leclerc. Chérie, tu partagerais une Häagen-Dazs caramel beurre salé avec moi? On a ça, non? Ah oui, j'ai aussi vanille et plein d'autres parfums. En ce moment, c'est la fête de la glace chez Leclerc. 30% de réduction immédiate sur la Häagen-Dazs. Ah, ça, c'est cool. C'est parce qu'on a pensé à tous les gourmands que du 13 au 23 juillet chez Leclerc, le pot de crème glacée de 375 grammes Häagen-Dazs, variété au choix, avec 30% de réduction immédiate, est à 4,49 euros, soit 10,44 euros le kilo après réduction. Point modalité dans les magasins participants. C'est redoutable. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pas de mystère, Mister Auto. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait? Je suis allé chez .com et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère? Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur MisterAuto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, il me l'a envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto... Pas de mystère, Mister Auto. C'est aussi pour les pros. On retrouve Patrick en direct du Tour à Rodez pour l'étape des grands plateaux. Oui, un grand plateau, hein, chez Ibis, sur lequel j'ai posé, alors notez bien, un café, un œuf à la coque, une madeleine chaude, un croissant, une pomme et un jus de fruits frais. Et zut, bah, j'ai oublié de prendre du sucre. J'y retourne. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi, faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. Heures, 9h sur Skyrock, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Difool. Mardi matin, on est le 12 juillet. Un grand bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. C'est le Morning Best sur Skyrock avec tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le Morning de Difool tout au long de la saison. Entre 6h et 9h, on va parler siphonnage, on va faire des économies d'essence dans les conseils pas chers de Romano. La roulette qui va tourner aussi dans la matinée, on vous offre la Monster Backfloat, la fameuse enceinte à 200 euros pour le son Drake avec One Dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Et pour la queue, le sport Rémi que vous retrouvez tout de suite. Le temps pour ce matin Rémi. Eh ben on n'a plus aucun département là en alerte orange pour les orages, mais un temps qui reste instable de manière générale. Ce sera pluvieux et nuageux dans le sud-ouest de la Normandie aux frontières du Nord. Des averses attendues également sur le Dauphiné, le Massif central et sur les Alpes. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Les températures ce matin 12 degrés à Poitiers, 13 à Nantes, 14 à Lille et au Havre, 15 à Limoges, 16 à Clermont-Ferrand et à Paris, 17 à Toulouse, 19 à Lyon, 21 à Ajaccio, 22 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 à Cherbourg, 19 à Rennes, 21 à Lille et à Paris, 22 à Bordeaux, 23 à Angoulême, 24 à Lyon, 25 à Strasbourg, 28 à Marseille et 30 du côté de Bastia. La pollution pas trop mal, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Perpignan, Nîmes, Marseille, Nice et Bastia. Naughty Boy, encore un son de Rihanna aussi en préparation et là c'est parti pour l'actu. C'était mieux avant, une phrase qu'on entend souvent et qui se vérifie selon un sondage publié aujourd'hui. Près de la moitié des Français estiment que leur situation est moins bonne que celle de leurs parents. 3000 personnes de 18 ans et plus ont été interrogées pour cette étude. Ils sont 46% à s'estimer financièrement déclassés par rapport à la génération précédente. C'est 10 points de plus que lors de la dernière étude du même type il y a 16 ans. Faire du bénévolat pour toucher le RSA, la mesure avait fait polémique mais a pourtant été adoptée par le conseil départemental du Haut-Rhin. C'était la volonté du président du département Les Républicains, Eric Stroman. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier prochain. Le versement du revenu de solidarité active sera conditionné à un travail bénévole hebdomadaire de 7 heures. Eric Stroman estime que personne dans ce pays n'a vocation à se retrouver éternellement bénéficiaire. Le préfet a déposé un recours devant le tribunal administratif, mais la justice ne s'est pas encore prononcée. Dramatique épilogue dans le Lot-et-Garonne. La fillette de 3 ans disparue dimanche au bord d'un lac a finalement été retrouvée noyée. Elle avait échappé à la surveillance de sa grand-mère à une cinquantaine de kilomètres d'Agen. Une autopsie doit être pratiquée pour confirmer la thèse de la noyade. Plus de doute au Royaume-Uni, c'est bien Theresa May qui sera la nouvelle chef du gouvernement. Le calendrier s'est accéléré hier. Celle qui est encore ministre de l'Intérieur entrera dès demain soir au 10 Downing Street. Celle qui est déjà surnommée la nouvelle dame de fer était opposée à Andrea Leadsom qui a jeté l'éponge faute de soutien. La future première ministre a d'ores et déjà assuré qu'elle obtiendrait le meilleur accord possible pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Elle sera donc la première femme à gouverner depuis Margaret Thatcher qui a quitté le pouvoir il y a 26 ans. Un lot de consolation pour Antoine Griezmann. Le numéro 7 des Bleus a été désigné hier meilleur joueur de l'Euro. Décision prise par les instances de l'UEFA au vu des réalisations de l'attaquant. 6 buts et 2 passes décisives qui lui permettent de décrocher le soulier d'or de cette compétition. L'Euro est fini, place maintenant au Mercato. Les négociations ont déjà commencé pour pas mal de clubs, mais c'est maintenant que ça va vraiment commencer à devenir intéressant. Pas mal de dossiers sur le feu, dont celui de Pogba. Un retour de Pogboom du côté de Manchester United est de plus en plus évoqué. Le club mancunien est prêt à poser 120 millions d'euros sur la table. Son agent Mino Raiola, connu pour brouiller un peu les pistes, estime que la Juve ne souhaite pas le vendre et que le club turinois sait comment garder ses meilleurs joueurs. Les feux euros qui bénéficient à un autre bleu, à savoir Moussa Sissoko, l'ancien Toulousain, souhaite quitter Newcastle, relégué en deuxième division anglaise la saison prochaine. Son club n'est pas contre l'idée, mais a décidé d'augmenter un petit peu sa valeur après la belle performance du joueur en compétition européenne. Il passe ainsi de 25 à 41 millions d'euros. Manchester United, la Juve, Liverpool et Dortmund sont dans les starting blocks. Enfin, Serge Aurier va-t-il quitter le PSG? Naples a besoin d'un latéral droit et pense à l'international ivoirien. Des discussions ont été entamées, mais Naples attend de voir l'évolution du marché. Et on suivra tout ça grâce à toi, Rémi, car nous sommes premiers sur le foot. On te retrouve un petit peu plus tard pour l'actu et pour à le sport. 6h-9h sur Skyrock. Morning Best. Best Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers taking hold on me. One Dance de Drake à 7h08 dans le Morning Best sur Skyrock. Le Morning Best, c'est les meilleurs moments du Morning de Difool et donc les meilleurs conseils pas chers de Romano, les pas chers. Les premiers de la matinée, c'est maintenant, et Naughty Boy avec Sam Smith aussi pour La La La. Romano Lapince, Romano Lapince, sa spécialité, tenter d'arnaquer les familles. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Il y a plein de messages, il y en a plein qui se sont fait voler leur essence dans leur voiture. On m'a siphonné ma voiture, mon réservoir. Message de Kataz sur SMS. Eh ouais. Ouais, Laura, pareil. Elle la nuit, elle revient le matin, plus d'essence dans son réservoir, elle fait 2 km et elle tombe en panne. Toi, t'as eu ta huile totale. Ah ouais, là, ça c'est. Oui. La totale. On te siphonne ta caisse et en plus, tu tombes en panne d'essence juste derrière. Bien cher le carburant. Eh oui, le carburant bien cher. Et dans les conseils pas chers, le carburant est à l'honneur. Ouais, bah je me lance dans le siphonnage. Mais siphonnage de véhicule, mais avec autorisation. Le scénario, c'est je suis tombé en panne d'essence, il n'y a pas de pompe à proximité, je vais demander si je peux siphonner quelques litres pour redémarrer le véhicule. C'est bien, c'est honnête, Romano, je trouve. Ouais, c'est bien. Non, moi, je demande vrai. L'autorisation. Oui. Oui. C'est parti, on file donc chez les familles de toute la France. Chez Monsieur Le Sourd. Monsieur Le Sourd. Ça va pas être facile de communiquer avec lui ce matin. On va essayer quand même. C'est parti chez Le Sourd. Oui, bonjour Monsieur Le Sourd. Oui. Ah bah vous m'entendez très bien. Oui. Comment allez-vous? Oui. Bon, dites voir, j'ai un petit souci là, je suis tombé en panne d'essence près de chez vous. Et là, il n'y a pas de pompe à proximité. Est-ce que je pourrais venir vous siphonner quelques litres pour redémarrer? Mais je vous demande, vous êtes qui au fait? Monsieur Lapince. Monsieur? Monsieur Lapince. La part, c'est tout à l'heure, c'était Michel Juel. Ben, je ne sais pas qui est ce Michel Juel. Mais en tout cas, moi, je vais venir siphonner un petit peu d'essence dans votre... Oui, ben vous avez raison. Eh bien, restez là où vous êtes actuellement. Hein. Ah, ou vous alors, venez sonner chez moi, comme ça, on fera plus ample connaissance. Ah ben, c'est ce que je voulais faire. Je viens sonner, puis après, je prends mon tuyau et je siphonne un peu le réservoir. Oui, bien sûr, vous siphonnez dans ma voiture, oui. Oui, ben, c'est ce que je voulais faire, oui, exactement. Ben, bien sûr, si vous êtes en panne, où vous êtes en panne, où sur la route de Chitry, je pourrais peut-être même vous l'amener. Ah ben, carrément, ben, c'est encore mieux. route de Chitry. J'y suis, vous pouvez me... Vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui rigolent avec vous. Oui, oui, je suis avec des collègues, là. Oui, on a essayé de pousser la voiture, mais elle redémarre pas, elle est vide. Ah ouais. Oui, elle est vide. Ouais. Bon, donc faut venir hein, sur la route de Chitry, moi je vous attends. Hein. Ah d'accord, et eh bien à tout de suite alors. Ah ben merci bien, monsieur Le Sourd. Je vous emmène 150 litres, ça ira. Oh, ben ça va aller, ouais. Sympa. Je ferai des jerrycans, très bien. D'accord. Merci, hein. Oui, au revoir. Au revoir. Bien sûr. Au revoir, bonne monsieur journée, Le Sourd. Bonne semaine, hein. Oui, monsieur Le Sourd, il est... Et puis arrêtez de faire chier le monde. Monsieur Le Sourd, un peu de calme, s'il vous plaît. Ça s'était si bien passé. Ça s'était si bien passé. Monsieur Le Sourd, là, un peu, quand même. Il hurle au téléphone. Oui, mais il était gentil. Oui. Ah, bah attends, il vient sur la route de Chitry. Vive monsieur Le Sourd. Ah, ouais. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. When you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. My mind. I can't find your silver lining. 7h15, un long week-end férié en prépa. On est le 12 juillet. On vient d'écouter Naughty Boy et Sam Smith sur Skyrock avec la. Le morning de Difool. Les meilleurs moments tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. On va revenir sur une histoire un petit peu bizarre qui s'est passée. C'était il y a quelques mois. Rappelez-vous de cet animal. Quel est l'animal qui avait réussi à bloquer une autoroute, l'autoroute A16 entre Calais et Boulogne-sur-Mer? Et puis attention, je vous rappelle qu'on est à J-3 de l'événement après l'Euro 2016. On se fait une grande tournée des stades, le Skyrock Tour de Rihanna, la numéro 1 Skyrock, la numéro 1 mondiale. La première date, c'est vendredi du côté de l'Alliance Riviera de Nice pour repartir avec vos places par 5. Restez bien à l'écoute. Il y a déjà Stéphanie Toulon qui a gagné 5 places. C'était il y a une vingtaine de minutes. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous laissez Rihanna au 7-20-20. Et que va-t-on écouter dans quelques secondes? This is what you came for. Y aura-t-il un deuxième titre de Rihanna juste après? Peut-être, pourquoi pas. Rihanna, écoutez tout de suite. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet Rap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock. Avec le nouveau Jul, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. C'est Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Sur Skyrock, ça fait. Fips Harmony. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 7-20-20 et gagne ta nouvelle compile Planet Rap 2016. Avec en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap 2016, la compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Roulette au 7-20-20, 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors, palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an! Waouh! Ça fait plus de 600 photos, ça! Vite! Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Rappelle-la. Le phare. Le phare de la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube. Rappelle-la. À découvrir d'urgence sur l'album Monsieur Fall, déjà disponible. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Multi-couche. Grand froid. Isolant mince. Protection thermique. Été-hiver. Prix fin. 3,80€ le mètre carré. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Isolant mince, 23 composants, garantie 10 ans à seulement 3,80€ le mètre carré, soit 57€ le rouleau. Arrivage en quantité limitée à partir du 13 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Ouverture exceptionnelle le jeudi 14 juillet dès 8h, hors dépôt Alsace-Moselle. Ça va aller, tant que sont les prix, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning show. Morning best. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. De Rihanna sur Skyrock. Et dans la matinée, on a encore des invites, des places pour à vous offrir pour la grande tournée Skyrock de Rihanna qui va passer à Nice, à Lyon, à Lille et au Stade de France à Paris-Saint-Denis. On est à J-3 de la première date, c'est vendredi du côté de l'Alliance Riviera de Nice. Les meilleurs moments du morning de Difool dans le Morning Best, il est 7h22, un nouvel épisode maintenant et la nouvelle des 21 Pilots, c'est Ride. Le chronotune, tu sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Eh oui, empocher la thune, 300 euros à gagner. On est avec Florent qui est en direct d'Auxerre avec nous. Vive la Bourgogne. Non, ça ne roule pas de R à Auxerre. Auxerre. Ça peut, hein. Salut, Florent. Salut tout le monde. Salut, Beuillant. Beuillant à toi, bienvenue à la Bourgogne. Alors, Florent, tu vas jouer avec nous pour 300 euros. 300 euros, c'est ce qu'on va créditer sur ton compte. Si tu as la bonne réponse à la question que j'ai posée, j'ai parlé de la circulation. Oui, de l'animal. La circulation de l'autoroute A16 qui a été perturbée entre Calais et Boulogne hier à cause d'un animal qui faisait une petite promenade sur les voies de l'autoroute. Il était content, pépère, comme ça. Tranquille. Quelle est cette bestiole? Quel est l'animal? Alors, c'était un bouc. Un bouc, exactement. Un bouc se promenait. Alors, on sait pas d'où il vient, ce bouc. Il se promenait sur l'autoroute A16, tranquillement. Un bouc sauvage. Voilà. Une balade, quoi. Un bouc, un capri, fugueur. Il a fugué d'une ferme. Ah, bah, faut, faut faire gaffe. Ça, si tu t'en peux dans la bagnole, je peux te dire que la bagnole, elle prend un coup dans la gueule. Ouais, et puis s'il te charge, faut faire gaffe aussi. Hein, ah oui, attention au bouc. Bon, 300 euros. Tu les as, c'est 300 euros, mais attention. Ils sont sur ton compte, mais, Romano. Ça défile. Mais le compte risque de diminuer. Et oui. Chaque seconde te fera perdre 10 euros. Il faut répondre à une question. Tu pars avec 300 euros. À chaque seconde, tu perds 10 euros. Plus tu réponds vite, plus tu gagnes de thunes. C'est lors du chronotune. Florent, il faut me donner. Attention. Et c'est super facile pour ce vendredi. Après le top des 10 foules. En 30 secondes maximum, 5 animaux de la ferme. Allez. Alors, une vache, une brebis, oui. Un taureau, un bœuf. Une poule. Une poule, oui, elle est en place. Allez, ça allez. Ben 21 oui, secondes, 210 euros. Tu n'as pas été victime de la paralysie du chronotune. Non. Ah, mais hey, ça a failli sur le cinquième. T'as bloqué au non, quatrième. Mais je sais, c'est le chronotune, c'est le jeu le plus stressant de la radio mondiale. Eh ouais, eh ben ça fait 210 euros, 21 secondes. Bah, pas mal. Je t'avais dit que c'était facile ce matin. 210 euros pour toi, bah, Florent. Bon, ouais. C'est parti, on t'envoie le gros chèque à Auxerre. On te fait une bise, on te souhaite une bonne journée. Tu vas bosser ce matin, Florent, toi? Ouais, bah, je suis sur la route depuis 3h du matin, donc je vous écoute tous les matins. Ah, donc... d'accord, ça roule alors. Bah, bon courage sur la route. Merci beaucoup. Morning, best, the morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. premier sur les nouveautés, c'est Skyrock Ride, c'est la nouvelle des 21 Pilots. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Vous êtes tous les bienvenus. On est mardi matin. Il est pratiquement 7h28. Il y a un jour férié qui se prépare, ce qui veut dire que vous avez déjà fait le plus dur, sauf bien évidemment ceux qui bossent les jours fériés. En tout cas, on est premier sur la déconne, hein, sur Skyrock tous les matins entre 6h et 9h avec les meilleurs moments du morning de Default. On va parler régime en cette période estivale. C'est un petit peu la mode. Quelle est la ville de France dans laquelle on trouve les gens les plus lourds? Il y a Default qui va vous donner la réponse. On prépare également le réveil de star de Terminator. On va utiliser la voix d'Arnold Schwarzenegger pour réveiller des familles. Pour le son, ça sera Niska. Niska, son rap français, Mustapha Jefferson. Et le sport, Rémi, que vous retrouvez tout de suite. Rémi, ouais. Le temps pour ce matin? Bon, écoute, on n'a plus aucun département en alerte orange pour les orages, hein, ce matin, mais par contre, le temps est instable, hein, de manière générale. Ce sera pluvieux et nuageux dans le sud-ouest et de la Normandie aux frontières du nord. Des averses attendues également sur le Dauphiné, le Massif central et sur les Alpes. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Les températures ce matin, on a 13 degrés à Beauvais, 14 à Lille et à Rouen, 16 à Saint-Étienne et à Paris, 17 à Nancy, 18 à Strasbourg, 19 à Lyon, 22 à Marseille et 23 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Brest, 20 à Nantes, 21 à Lille et à Paris, 22 à Orléans, 23 à Toulouse, 24 à Lyon, 25 à Auxerre, 28 à Marseille et 30 du côté de Toulon. La pollution pas trop mal, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Perpignan, Nîmes, Marseille et Nice et Bastia. On prépare aussi Designer et l'horoscope de l'amour et là c'est parti pour l'actu. Un taux de réussite record pour le bac suivi d'un autre taux de réussite pour le brevet. 87,3% des candidats collégiens ont décroché leur premier diplôme avant d'accéder pour certains au lycée. Dans le détail, ils sont 711 800 à avoir été reçus. Bravo en tout cas si vous êtes concerné. Les bons résultats sont en progression depuis 30 ans et le taux de réussite a pris un point par rapport à l'année dernière. La colère des producteurs de lait de la Sarthe et de la Mayenne. Ils se sont rassemblés hier soir devant l'usine Yoplait au Mans. Des déchets ont été déversés devant le site et la grille a été incendiée. Ils protestent une nouvelle fois contre les prix du lait qu'ils estiment trop faibles. Les syndicats souhaitent l'ouverture de négociations. Ils suggèrent que la coopérative les soutienne davantage et donne le ton aux entreprises. Le baptême du feu pour Emmanuel Macron. Le leader du mouvement En Marche s'exprimera en meeting ce soir à la Mutualité à Paris. Un discours prononcé à deux jours de la traditionnelle allocution du président. Allocution du 14 juillet. Sans surprise, le ministre de l'économie ne devrait pas se déclarer candidat à la présidentielle et ne devrait pas non plus annoncer son départ du gouvernement. 20 ans de prison pour le frère de Redouane Faïd. Peine prononcée par la justice algérienne. Fissa Al-Faïd a été condamné pour le meurtre de la policière Aurélie Fouquet au cours d'un braquage qui avait mal tourné en 2010 en région parisienne. Il avait fui en Algérie au lendemain de la fusillade. Du sport avec les actus foot, déménagement en vue pour le Paris Saint-Germain. Les discussions étaient en cours depuis 3 ans, c'est désormais confirmé. Les Parisiens vont quitter le camp des loges à Saint-Germain pour s'entraîner à Poissy, toujours dans les Yvelines, c'est d'ailleurs juste à côté. Le centre d'entraînement surnommé centre de performance accueillera les joueurs au début de la saison 2019-2020. Les filles en revanche resteront sur Saint-Germain-en-Laye. Puis la fin du repos pour les coureurs du Tour de France. 10e étape aujourd'hui avec Chris Froome qui s'élancera avec le maillot jaune. Au programme 197 km entre Andorre et Revel en Haute-Garonne avec, dès le début, un col de première catégorie. Et toi, Rémi, le retour tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. 7h34, le son rap français de l'été, Niska sur Skyrock avec Mustapha Jefferson de La Déconne et du son sur Skyrock. C'est le Morning Best tous les matins sur Skyrock de La Déconne avec les meilleurs moments du Morning de Difool. Un nouvel épisode maintenant. On prépare également le réveil de star de Terminator. On va utiliser sa voix pour réveiller des familles. Pour le son, ça sera Designer, aussi le New Yorkais avec la chanson du Panda. Et on va parler des régions, mais même des villes dans lesquelles on est le plus lourd. Il y a une marque de balance qui a des balances un petit peu partout en France et qui a sorti une étude où est-ce que les gens sont les plus lourds. Ça veut pas dire qu'ils sont en surpoids ou qu'ils sont obèses ou tout ça, hein. C'est juste qu'ils sont un peu plus lourds que la moyenne. Donc où est-ce qu'ils sont les gens les plus lourds? La première ville, ah, est une ville qui commence par un A, mais je n'en dirai pas plus. Allez. Amiens. Non, en France. France. Amiens non plus, Arras. Cariole avait dit Amiens, Rémi, c'est pas bien de copier. Ajaccio. Sur tes petits camarades. Agen. Non. Alençon. Non, Arras, on nous dit là. Ah. Vanessa du 6-2 qui nous dit Arras. Non. C'est nord ou sud? C'est nord ou sud, c'est plutôt nord. Abbeville. Amiens. Non. Armentières. On a déjà dit Amiens. Arras. Amiens, vous adorez cette ville, Amiens. Arras. Eh non, région parisienne. Ah, Anthony. Aubervilliers. Non. Anthony. Aubergenville. Non. Argenteuil. Bien. Ah. Ouais. Qu'il est fort, ce Karim. Bonne réponse de Romano. Voilà, merci. Voilà. Bravo, Karim. Il n'y a que des Grecs là-bas. Argenteuil. C'est là qu'on est les plus lourds en France, à cause des Grecs, tu crois? Combien vous pesez dans l'équipe? Moi, je suis à 58, 59 kilos ces temps-ci. J'ai perdu quelques petits kilos. Ouais, ça se. Bah ouais. J'ai pris en muscle. Hein. J'ai pris évidemment. C'est impressionnant même. Uniquement pris en muscle. Moi, un peu plus de 85. Non, t'es à 95. Tu sais, un peu plus un 9 et un 5. Un 9 et un 5, Cédric, ça fait 95. Bah, c'est plus que 85, voilà. Eh oui. Eh oui. C'est 10 kilos de plus, oui. Non, mais je crois que c'était une blague. Ah, non, non. C'était pas une blague. Non. Romano, combien? Je dois faire. Bah, je sais pas, là, je me suis pas pesé depuis un moment. 60, 62. 60, 62. Petit format. Petit cochon, poids, quoi. Petit cochon. Karim, toi, t'es à combien? 90? Non, je suis à 85 aussi dans la saison. Ah, ouais. J'étais pas loin. 85. Rémi, 105, 110, 120, 130. Je travaille, là, pardon. D'accord. Cariole, combien? Ah, moi je suis une crevette, 53. Oh, toute maigre. Toute mince. Oh, toute mignonne. Mais oui. Bon, alors, Argenteuil, c'est la ville où on est le plus lourd en France. Après, j'ai la ville du Havre, numéro 2. Numéro 3, Orléans. Numéro 4, Metz. Là, j'avais des médecins qui me demandaient si on était classé. Bah oui, vous êtes classé, vous êtes 4e, les plus lourds. 5e, Tours. 6e, vous la vouliez. Et ben, elle est là, la ville d'Amiens. Ah, quand même. Ah, vous avez vu. 7e, Strasbourg. Bonjour à nos nouveaux auditeurs de Strasbourg qui se réveillent avec Sky sur 96 FM. 8e, Toulon. 9e, Dijon, Mano. Eh ouais, en Bourgogne. On est lourd à Dijon. Ouais. Et 10e, Grenoble. Marrant parce qu'il y a peu de villes du nord de la France alors que c'est dans le nord qu'on est le plus en surpoids. Mais là, c'est vraiment. Donc ça n'a aucun rapport, aucun avec, rapport. Avec l'obésité, tout ça. Après, j'ai Brest, Rennes, Saint-Denis en région parisienne, 13e. 9-3, ouais. Ouais, 9-3, 13. 14e, Montpellier. Après, j'ai Marseille en 15. Lille en 16. Bordeaux en 17. 18, Nantes. 19, Nancy. Et 20e, Nîmes. Et Saint-Etienne n'est pas dans les. Je dis ça pour les Stéphanois qui nous laissent des messages. Saint-Etienne n'est pas dans les 37 villes où on est le plus lourd en France. On est tout mince, Saint-Etienne. Mais oui. Oui, on est tout petit. Il n'y a personne. Mais sûr que si, il y a du monde. 500 000 avec l'aglo. Attends. Ah ouais, quand même. Bon, Clermont-Ferrand, Reims, 20-21, Toulouse, 22, et Nice, 20. Non, Toulouse, 23, Nice, 24, et Lyon, 25. Allez, je m'arrête là. C'est bon. Eh ben voilà. Et 25 villes dans lesquelles on est le plus lourd en France. Voilà. 6h-9h. Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. I got broads in Atlanta, just a Dolby in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacies, family, wait and see, panda, pocket smoke, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, then the bullet you panic, Logan killers on the stand, I got broads in Atlanta, twisted door in the van, credit cards in the scammers, hitting the looks in the van, legacy, family, way see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacy, family, way see, panda, package smoke, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, then the bullet you panic, Logan killers on the stand. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.

de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Un grand bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. Il est 7h59, on est mardi matin, le 12 juillet. Le mardi matin, c'est le jour où on se dit oh là là, c'est compliqué. Le week-end est encore loin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un jour férié. Voilà, jeudi, ça sera férié le 14 juillet. Les meilleurs moments du Morning de Difool à se faire tous les matins sur Skyrock. 6h-9h dans le Morning Best. On va parler parfums ce matin. Qui met quoi comme parfum? Les parfums de Romano également. À découvrir dans les conseils pas chers. On va se passer un son de Rihanna dans quelques secondes. Soyez attentifs. Restez au taquet. Si jamais on joue un deuxième son de Rihanna juste derrière, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartirez avec vos places par 5 pour la tournée Skyrock de Rihanna qui débute ce vendredi. Ça sera du côté de l'Allianz Riviera à Nice. Juste avant d'écouter Rihanna, l'actu le sport. Rémi? Ouais. Le temps pour aujourd'hui? Bon, c'est pas terrible, le temps pour aujourd'hui. Bon, on n'a aucun département d'alerte orange hein, pour les orages. Les vigilances ont été levées ce matin, mais un temps instable de manière générale. Ce sera pluvieux et nuageux dans le sud-ouest et de la Normandie aux frontières du nord. Des averses attendues également sur le Dauphiné, le Massif central et sur les Alpes. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Les températures ce matin, 12 degrés à Poitiers, 13 à Nantes, 14 à Lille et au Havre, 15 à Limoges, 16 à Clermont-Ferrand et à Paris, 17 à Toulouse, 19 à Lyon, 21 à Ajaccio et 22 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 à Cherbourg, 19 à Rennes, 21 à Lille et à Paris, 22 à Bordeaux, 23 à Angoulême, 24 à Lyon, 25 à Strasbourg, 28 à Marseille et 30 du côté de Bastia. La pollution, pas trop mal. Les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Perpignan, Nîmes, Marseille, Nice et Bastia. Ma beauté de Maître Gims qui se prépare pour le son. La nouvelle de Justin Timberlake également. Là, c'est parti pour l'actu. Et un sondage qui vient un peu confirmer ce que tout le monde pense. Les hommes sont plus dangereux au volant que les femmes. C'est ce qui ressort d'une étude OpinionWay publiée aujourd'hui. Les femmes ont du mal à laisser conduire les hommes par manque de confiance et les hommes reconnaissent bien volontiers que le sexe opposé a une conduite bien plus cool. Si on rentre dans le détail, les femmes s'attribuent une note de 7,5 sur 10 pour leur conduite alors que les hommes se mettent 7,7. La raison à cette note, eh bien les messieurs affirment être courtois et avoir une bonne maîtrise de leur véhicule. Faire du bénévolat pour toucher le RSA, la mesure avait fait polémique mais a pourtant été adoptée par le conseil départemental du Haut-Rhin. C'était la volonté du président du département Les Républicains, Éric Stroman. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier prochain. Le versement du revenu de solidarité active sera en fait conditionné à un travail bénévole hebdomadaire de 7 heures. Éric Stroman estime que personne dans ce pays n'a vocation à se retrouver éternellement bénéficiaire. Le préfet a déposé un recours devant le tribunal administratif, mais la justice ne s'est pas encore prononcée. Le démantèlement de la partie nord de la jungle de Calais est annoncé très prochainement. Affirmation faite par la maire Natacha Bouchard, qui dit détenir l'information de l'entourage de Bernard Cazeneuve. La méthodologie de l'opération serait en train d'être affinée. Pas de date précise pour l'instant. La partie du sud a déjà été démantelée il y a 4 mois, mais les migrants se sont réfugiés dans la partie nord. Une fusillade mortelle hier dans un tribunal du Michigan aux États-Unis. L'homme qui allait être transféré en prison s'est emparé de l'arme d'un garde et a ouvert le feu. Deux huissiers sont morts tandis qu'un civil et le shérif adjoint ont été blessés. L'individu a été abattu. Les bonnes retombées économiques de l'euro. L'organisation de la compétition a donné du travail à 25 000 salariés à temps complet. 2 millions de billets ont été vendus et les bénéfices s'élèvent à 830 millions d'euros. Les fan zones, très légèrement boudées au début du tournoi, ont rapidement affiché complet. Et puis un lot de consolation pour Antoine Griezmann. Le numéro 7 des Bleus a été désigné hier meilleur joueur de l'Euro. Décision prise par les instances de l'UEFA au vu des réalisations de l'attaquant. 6 buts et 2 passes décisives qui lui permettent de décrocher le soulier d'or de cette compétition. Merci pour toi Rémi. Ouais. On va te retrouver tout à l'heure dans la matinée. Là on écoute Rihanna avec Mendon. Attention, si on passe un deuxième Rihanna derrière, vous laissez Rihanna au 7-20-20 et c'est 5 place pour la tournée Skyrock de Rihanna qui débute vendredi soir à Nice. 6h-9h sur Skyrock, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Difool. Rum pa pa pum, rum pa pa pum.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. À gagner pour le premier stade en France de Rihanna. 8h11 mardi matin, on accueille Angélique, 30 piges oui. À Beauvais. Bonjour Angélique. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Skyrock Angélique. La plus rapide à avoir envoyé Rihanna au 7-20-20 quand on a passé les deux titres de Rihanna, c'est toi. Super, ma première fois que j'appelle en plus, donc c'est génial. Félicitations, bravo Angélique, c'est toi c'est qui repars. La chance de la débutante, j'ai envie de te féliciter. Ah oui, là exactement. Bravo Angélique, 5 places pour voir Rihanna. La première date, ça sera vendredi, Allianz Riviera de Nice. Tu pourras inviter du monde. Voilà, ça, on est pressé de la retrouver. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Exactement. Voilà, tournée Skyrock à pas louper. Donc 5 places pour voir Riri, la numéro 1 Skyrock. Bravo Angélique. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à toi, des bisous. Merci, bonne journée. Ciao, bisous. Angélique. Bisous Angélique. Angélique, deuxième gagnante de la matinée après Stéphanie de Toulon. Il y aura encore des places à gagner pour Rihanna. Ça tourne, bah, c'est toute la journée. Hein, voilà. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous laissez Rihanna au 7-20-20. Le Morning Best qui continue. C'est l'heure de retrouver les conseils pas chers de Romano et ma beauté de Maître Gims. Et on va parler ce matin parfum. Il y a peut-être des auditeurs qui sont en train de se mettre du parfum juste à ce moment-là. C'est pas moi. Non, ça je sais, oui. Bah, je sais pourquoi, attends. Ah. C'est la nouvelle blague, Cédric. Là, non, c'est pas moi, c'est on est tombé sur Romano, ça a marché ton histoire des parfums, j'espère. Bah, j'espère aussi, ouais. 9 femmes sur 10 se parfument tous les jours et un homme sur 2 seulement se parfume aussi. Moi, je me parfume. Ouais, moi aussi. Tu mets quoi comme parfum, Romano? C'est Chanel Egoïste. Egoïste Platinum. Egoïste, non, ça m'étonne pas. C'est bizarre. C'est carrément que tu m'as acheté ça. C'est un message qu'elle veut te passer, ouais, c'est un signe, ouais. Ouais, égoïste. Ça te va très bien comme parfum. Non, mais j'aime bien, ils sont bons et tout. Moi, c'est Terre d'Hermès que je mets, parce qu'ils sont bien bons. Il y a 10 secondes, j'ai demandé à Cariole, mais c'est quoi mon parfum, Cariole? Je m'en souvenais plus. Moi, c'est rien. Oui, ça, je sais, c'est facile à retenir. Et toi, Cariole? Moi, je mets du Paco Rabanne 1 million. 1 million. Ah, le lingot, là? Ouais, le lingot d'or. Ça, c'est pour ça. J'aime bien, Romano. J'adore de Dior. J'adore de Dior. Tiens, dis-toi, qu'est-ce que vous mettez comme parfum, ou si vous en mettez pas, vous pouvez nous dire également. Je mets Brice Danus. Ouais. C'est pas mal ça. Brice Danus, c'est pas mal ça. Oui. Bon, vos messages, et puis on y revient avec les conseils pas chers. Mais tu mets quoi, Cédric, sans déconner? Bois d'argent, moi, en ce moment. Bois d'argent. C'est quoi, bois d'argent? C'est quoi? Bah, c'est le nom du parfum, ça s'appelle bois d'argent. Mais tu le fais toi-même? Christian Dior. Ah ouais, je comprends pas. Bois d'argent. Ouais, si. Bon, on a Alexandra au téléphone avec nous en direct. Bonjour Alexandra. Ah oui, le parfum là. Bonjour l'équipe. Tu mets quoi toi, tous les... T'as quel âge Alexandra? 17 ans. Tu mets quoi comme parfum à 17 ans? Alien. Alien, Thierry Mugler. Ouais. Bravo Romano. Ah, parce que je savais pas, tu vois. Non, mais il y a Océane qui a envoyé le message à ce moment-là. Ah bah tiens, ouais. Pareil, elle met pareil que toi, Alien Thierry Mugler. Alien de Thierry Mugler. Je connaissais pas. Il y a Yannick 21, il met l'homme de Dior. L'homme, parce que c'est un homme. Il y a Oye, une fille de 19 ans, Calvin Klein, One Shock. Mingos qui met Azzaro Chrome. Putain, il y a plein de parfums. Vous savez que moi, je me lancerai dans le parfum. Parce que on m'a souvent. T'as un nez, oui. Ouais, c'est toi qui me l'a dit. T'as un putain de pif. Je pourrais être créateur de parfum. Ah ouais, non, mais c'est clair. Nuit de l'homme d'Yves Saint Laurent, c'est le top pour les mecs. J'hallucine une fille là des Landes. Moi, c'est Mademoiselle de Chanel. J'aime bien Mademoiselle de Chanel, moi. Il y en a un qui sent bon, c'est celui de Guerlain, là. Comment il s'appelle, là, Cariole? Guerlain, Cariole, pour les femmes. Gigi. Non, petite robe noire, là. La petite robe noire, ça s'appelle. Voilà, mais t'as jamais vu la pub à la télé, là? Non. Tu sais, il y a quoi, le pot, le flacon plutôt. Le pot, oui. Dedans, il y a une petite robe noire de dessinée, il y avait toute une pub et tout ça, Guerlain, là. Ouais, Dior Intense pour Homme et Aqua de Gio de Armani. Ouais, ils sont bons, là, Aqua de Gio. J'en ai pris du code de Joe à une époque. Moi, c'est Terre d'Hermès, je vous le dis. Parce que puis je salue d'ailleurs tous ceux qui mettent Terre d'Hermès. Il est cher ton parfum, dit Foul. Non, mais de toute façon, tous les parfums, sont les chers. Les parfums, c'est cher. Ouais, c'est clair. Ah, ouais, ouais, ça vaut grave cher, hein, les parfums. Bah, ouais, ouais. Bon, alors, les parfums que t'aimes bien chez les hommes. Quand t'achètes un truc et puis qu'au final, tu te rends compte qu'il pue, quoi. C'est quand t'as dépensé. Non, parce qu'il y en a, tu sais, ça convient pas à la peau de tous, quoi. T'aimes quoi comme parfum pour homme, toi, Alexandra? Hugo Boss, Button Light. Ouais, t'aimes bien. On a Aurèle qui est au téléphone en parlant d'homme. Bonjour Aurèle. Bonjour Dichoul. Bonjour Aurèle. Salut Aurèle. Salut Aurèle. Qu'est-ce que tu mets comme parfum Aurèle, toi? Moi je mets Bleu de Chanel. Bleu de Chanel. Les Chanel, c'est vrai, ils sont de bons. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ils sont bien chers aussi, les Chanel. Ils se font pas chier d'ailleurs, les Chanel. Hein. Ah, ça, bah ouais, ouais. Que... Comme un peu. Déclaration de quartier aussi, c'est pour hommes, mais moi je le mets pour femmes, ils sont super bons. Moi c'est Brise d'Anus. De chez... J'adore. De chez Febreze. Non, de chez Guy Tupu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, pas mal. J'ai les parfums des femmes qui attirent le plus les hommes. Alors, ah ouais, il y a des parfums qui sont excitants alors. Ouais, alors il paraît qu'il y a Chalimar de Guerlain. Ouais. Il paraît qu'il y a Coco Mademoiselle de Chanel. Mmh. Et la petite robe noire de Guerlain. Ah bah tu vois, aussi. Petite robe noire. Ouais, Hypnotique Poison de Dior et Trésor de Lancôme. Ça, c'est les 5 parfums qui, soi-disant, excitent le plus le mâle. Ah ouais. Ah ouais. Et puis les parfums des hommes qui attirent le plus les femmes. Alors les parfums en général d'Yves Saint Laurent. Ouais. Il y a même pas le mien, c'est pourri, dis donc. One Million de Paco Rabanne. Ah. Tu mets ça, ouais. C'est pour ça que ça marche. Ah ouais. C'est ça qui arrive. Ouais. Bah là, on est, d'ailleurs, on est tous attirés là. Ah bah oui. Bleu de Chanel. On en parlait, tiens, Bleu de Chanel. Y a encore Chanel. Ouais, encore Chanel. Et le mâle par Jean-Paul Gaultier. Ah ouais, ça sent bon ça. Ça sent c'est bon, quoi, c'est la petite bouteille avec le buste là? C'est le buste, mais bleu avec la marinière, ouais. Ouais, bon, bah, moi, avec la bouteille, elle m'attire pas des masses, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, chacun son truc. Voilà, donc ça, c'est les parfums qui attirent le plus. Mm-hmm. Bon, vous le saurez maintenant. Et puis, on salue tous ceux qui sont en train de se mettre du parfum, du Lacoste, du Diesel. Givenchy. Du Hugo Boss. Moi, je mets Cappuccino. Cappuccino, du café. Je mets du café. C'est Gigi du 69. Ça salut à toi, Gigi. Invictus. Bon, Lady Million également, Boss de Hugo Boss, Armani Code. Romano, ce matin, oui. Les conseils pas chers concernent les parfums. Les parfums, ce matin je vais aller parfumer les familles. On m'a signalé une odeur assez terrible. Tiens, justement, en parlant, il y a Nina qui vient de nous laisser un message et qui est dans le bus, on parlait du bus. Vous écoutez beaucoup Skyrock dans les bus ce matin, c'est bien. Qui elle est à côté d'un mec qui a dû mettre Transpi 5 de Chanel. Parce qu'elle en peut plus, la pauvre Nina. En même temps, des fois, même t'as des femmes, elles sont tellement parfumées que moi ça me ferait vomir. Ouais, quand il y en a trop, c'est pas bon. Elle passe dans la rue à côté de toi, mais tu sens. Tu tombes. Ouais, c'est ça. Oh, non, bon. Bonjour madame. Voilà, vous avez chargé la dose. T'as l'impression que c'est foutu un flacon entier sur la gueule. Les deux A ce matin, Alexandra et Aurèle. On va chanter les conseils pas chers tous ensemble. Vous êtes prêts? Ouais. Romano fait, c'est les conseils et vous faites les conseils pas chers. Je commence, vous enchaînez, on se fait un trio, ça va être magnifique. Romano Lapince, Romano Lapince, sa spécialité, tenter d'arnaquer les familles. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Voilà. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Et hop là. C'est les conseils. Oui. Les conseils pas chers. Et hop, je vous parfume. Gratuitement. Ah, oh, merci. Cadeau. Attends, je vais peut-être arrêter. Ouais, pas trop quand même. Ouais, mais là, t'as pris du Febreze, Romano. Ah, merde, j'ai pris le truc de Cédric. Oui. Alors, conseil pas cher, on y va, on file chez les familles. Allez, c'est les familles, elles sentent fort. Le parfum, ça marche. Et on est numéro 1 dans le monde sur les parfums en France. Number one. Ouais, number one. On est le peuple qui se parfume le plus. Premier consommateur de parfums. Peut-être celui qui pue le plus mais aussi, je crois non que c'est celui aussi qui fabrique le plus, me semble. En plus, ouais. Le luxe, c'est français. Oui. Le luxe à la française. La classe, c'est français. Allô? Oui. Allô, Hervé. Ah, c'est Hervé? Oui. Oui. Ah, excuse-moi, quelle odeur. Hervé, dis donc, je t'appelais, j'ai un petit problème là. Ta femme m'a appelé. Allô? Oui. Oui, parce qu'en fait, elle m'a dit que tu dégageais une odeur très forte au niveau du corps. Non, mais ça va pas, tout le cigare. Ah, bah si, ça va bien. Attends, excuse-moi, je me bouche le nez parce que c'est terrible l'odeur. Hein. Je vais venir te parfumer un petit peu. Et te parfumer avec mon poing sur la gueule, moi. Ah non, moi, je vais te parfumer avec du parfum, moi. J'ai Brise d'Anus. Hein? Brise d'Anus. Oui, toi, Brise d'Anus. Ah, il aime bien. Je crois qu'il a bu la bouteille. Il adore, il a dit. Je vais t'en mettre deux, trois petites, là. Hein? Je vais te mettre deux, trois pchites, là, de Brise d'Anus. Ouais. Et puis, tu sentiras meilleur pour la journée, hein. Oui, t'as raison. Bon, j'arrive dans 5 minutes, tu restes là, hein. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, je vais te parfumer. Oui, toi, moi aussi, je vais te parfumer. Ah, bah, très bien, on va se parfumer mutuellement. C'est romantique. Mais ça n'ira pas plus loin, hein. Ouais. Je suis pas un homme facile. Par contre, tu me donneras 20 euros pour les pchites. Oui, c'est sûr. Bon, bah, c'est sûr, c'est très bien. Prends dessus, puis bois de l'eau fraîche.

100 places à gagner pour le premier stade en France de Rihanna. This is Rihanna. Le 15 juillet à l'Allianz Riviera de Nice. Dès que tu entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna au 72020 Skyrock et gagne 5 places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock. So you guys ready? Tes 5 places Rihanna à gagner au 72020. 65 centimes plus coût d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, t'es chez Lidl? Oui, et ils sont complètement givrés. Dès demain, pendant les jours XXL, les 6 bâtonnets glacés vanille chocolat amande plus 2 gratuits sont à 1,99€. 8 glaces à 1,99€ chez Lidl? Moins de 2€? Ah, ça jette un froid. Ah, donnez des frissons patron. Moins de 25 centimes la glace. Ah, on est mal. On est très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 8 fois 90 grammes, 2,76€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Midas a 40 ans. Justement, je dois changer mes pneus. Vous feriez bien un petit geste. Mieux, un gros geste. Oh, ça m'intéresse. Du 11 au 23 juillet, chez Midas, le deuxième pneu continental est à moins 40%. Moins 40%? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Mais attention, les quantités sont limitées. Eh ben, j'irai demain. À mieux. J'y vais tout de suite. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Chez Intermarché, les promos coulent à flot. Pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles d'un litre 5 d'eau minérale Vittel à 2,58€, le deuxième est gratuit. Oui, le deuxième est gratuit, mais c'est seulement jusqu'au 24 juillet. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 14 centimes le litre au lot au lieu de 29 centimes le litre. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Brico-Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Ouverture, auto. Voiture décapotable. Porte-garage. Isolation thermique. 40 mm. Grande qualité. Fabrication européenne. Petit prix. 289€. La qualité, le prix, Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. Porte de garage sectionnelle blanche, motorisée, à seulement 289€. Arrivage en quantité limitée à partir du 13 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur brico-dépôt.fr. Ouverture exceptionnelle le jeudi 14 juillet dès 8h, hors dépôt Alsace-Moselle. Aujourd'hui, c'est le Prime Day sur Amazon, avec des offres exceptionnelles partout. En ville, à la campagne, en voyage et même dans votre lit. Où que vous soyez, dans la rue, au travail, dans un train ou un taxi, dans un parc ou un parking, les offres sont partout. Sur des articles dont vous avez vraiment besoin ou qui vous feront vraiment plaisir. Aujourd'hui, découvrez le Prime Day, la plus grande journée d'offres exceptionnelles sur Amazon, exclusivement pour les membres premium. Rendez-vous vite sur Amazon.fr. Amazon Premium est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Casino. Moi, je ne rate pas le défi les 7 années. Et c'est une excellente occasion pour manger de bons filets mignons Origine France. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout est fermé le 14 juillet. Mais chez Casino, ils sont ouverts, c'est le défilé des petits prix. Jusqu'au 17 juillet et même le 14, dans tous les supermarchés Casino, le filet mignon de porc à rôtir Origine France est à 8,95€ le kilo seulement. Vendu en barquette de 2. Avec Casino, prenez goût aux économies. Vos supermarchés Casino seront ouverts toute la journée du 14 juillet. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Voici des nouvelles de Drake. T'as un petit son de Drake, Romano, pour nous faire du bien ce matin. Ouais. Allez, un petit Hotline Blink. Vous connaissez Drake, vous aimez Drake. Eh bien, vous avez bien raison. Mais qui aime Drake très très fort? Qui sort avec Drake actuellement? Une grande star américaine qui sort avec Drake. Mais qui est donc cette star? C'est la question que je vous pose maintenant pour 50€ déjà et peut-être plein d'autres 50€ qui vont se multiplier. Ouais, salut Valentin. Avec, salut à tous. Avec le grand jeu de Cédric. Bonjour Valentin, t'es niçois toi Valentin? Ouais c'est ça Denis, ouais c'est ça. Comment vas-tu? Ça va super, hein, au travail, hein, toujours. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie toi Valentin? Je suis chauffeur livreur. Chauffeur livreur, ça chauffe sa livre. On salue tous les chauffeurs livreurs qui se réveillent et qui bossent aussi avec Skyrock toute la journée. Eh bien Valentin, tu vas représenter les chauffeurs livreurs. Tu vas jouer contre Cédric ce matin. Mais d'abord, la réponse à la question que je vous ai posée. Il est en couple, c'est Drake. Il s'est remis en couple, soi-disant, selon le journal anglais The Sun. Avec qui? Rihanna. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh bien, a priori... Et a priori... Bah oui. s'est remis en couple avec Rihanna. Mais eux, ils n'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, ils cassent, ils sont en couple, ils cassent, ils sont en couple. C'est bien, c'est une relation stable. Et ben là, a priori, ils sont à nouveau en couple. C'est le journal anglais The Sun qui a déclaré ça. Quel beau couple, Rihanna et Drake. Peut-être qu'il viendra en France au concert Skyrock, Drake. Bah peut-être, ouais. On sait jamais. Hein. Bah, peut-être qu'il viendra faire work en direct du Stade de France. Ça serait magnifique. Stade aussi. Concert Skyrock à pas louper. Hein. Bravo à toi, Valentin. Tu as 50 euros et la possibilité de jouer contre Cédric. Nickel, merci. Et attention, on va avoir droit au jingle de Cédric, bien sûr. Oui, magnifique jingle de Cédric que je vous conseille d'écouter tout de suite. Il est pour vous. Pour annoncer la bête. Cédric. Bon, les shows. Il se soucie tellement peu de son apparence que des algues vertes lui poussent sur le poil. Et pour couronner le tout, il est couvert de bestioles. Le morning de Nifo sur Skyrock. En plus, il pue, dis donc. Mais voilà, c'était le petit final. Petit bonus. Le petit final. Cédric, 30 secondes pour répondre à un maximum de questions. Bon, Cédric, toi, tu gagnes absolument rien par bonne réponse. Bah, je sais, oui, si, la victoire. L'honneur. Tu sais, il n'en a plus, Carriole. Tu crois qu'il n'en a plus? Ah, si, quand même. L'homme de défaite, bon. Gentil. Alors, on va commencer par tes questions, Cédric, t'es prêt? Valentin, allez, écoute bien le désastre. Écoute bien, Cédric. Ouais, j'écoute ça, j'écoute ça. Après, ça sera à toi. Hein. Alors, Cédric, es-tu prêt? Moi, je suis prêt, toujours. Bonne réponse, c'est parti. Un 3, point. 2, non, 3, 2, 1. Ça démarre en top. Top maintenant. Top, Cédric. Proverbe, selon le proverbe, quels animaux ne font pas des chats? Les chiens. Les chiens ne font pas des chats. Bonne réponse. Si je te dis 4 fois 4 plus 3, combien ça fait? 19. Bonne réponse. 2 points. Quel est le département 38? Grenoble, c'est l'Isère. L'Isère. Bonne réponse, Cédric. Dans le dessin animé Toy Story, qui est Woody? C'est le cowboy. Bonne réponse. C'est la folie dans ton slip. Combien d'années y a-t-il entre chaque jeu? C'est fini. On était au bout du chrono, Cédric. Ça va, quoi. Waouh. 4 points. Hey, c'est ton record, non? J'étais chaud pour en faire une cinquième. Il y a Valentin qui est dégoûté derrière. Ouais. Ah ouais, il est chaud, Cédric. Aujourd'hui, jamais il nous a fait ça, ouais. Alors, Valentin. Eh, Valentin, pas de bol, t'es tombé le mauvais jour. Ouais, merde. Ah, putain, ouais. T'es tombé au jour où Cédric a mis le cerveau en marche. Ah ouais. Fais gaffe, 4 points, il va falloir y aller, là. Attention. Ah ouais, putain. 30 secondes. Je donne mon top question proverbe pour démarrer. Écoute bien. 3, 2, 1. Top question. Top question. Selon le proverbe, quel animal faut-il tuer avant de pouvoir vendre sa peau? L'ours. Bonne réponse. Si je te fais 17 moins 3 plus 2, ça fait 16. Bonne réponse. Quel est le département 06? Nice, Alpes-Côte d'Azur. Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes. 3 points. Bonne réponse. Question, excuse-moi, je suis perdu dans mes questions, ça paraît être le chrono. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. 10 secondes, attends, faut que je recale le chrono du tout. Dessin animé. Attends. Dessin animé pour toi, t'es prêt? 10 secondes. Alors, t'as 3 points, il te reste 10 secondes pour battre Cédric. Pour moi, marquer un point, allez. Alors, attention, 3, 2, 1, c'est reparti, 10 secondes. Dans le dessin animé Aladdin, qui est à bout? Kev Adams. Dessin animé. Quelle ville est associée au nougat? Je sais pas. Montélimar. Ah ouais, non, là on a tout fait, mais Cédric a gagné. Et Abou, c'est un singe. Ouais, c'est un petit singe. Kev Adams. Ça fera plaisir à Kev s'il nous écoute ce matin. Kev. Grave plaisir. Eh ben Valentin, heureusement tu pars quand même avec tes 50 euros. Mais Cédric a gagné ce matin. Bravo, Cédric. Bravo Cédric. Merci Valentin. Allez, 50 euros et le t-shirt Skyrock en plus qu'on va t'envoyer à la maison à Nice. On t'envoie ça. Ok, c'est super. Merci beaucoup. Et on te fait une bise, Valentin. Merci. Tu viens jouer quand tu veux avec nous. Hein. Merci, continuez comme ça l'équipe, vous êtes au top. Eh ben c'est gentil, Cédric va te dire pardon maintenant. Oui, quand même. Pardon, dis pardon. Il n'y a pas de problème Cédric. Pardon Valentin, j'ai gagné. Dis pas, Valentin. Il n'y a pas de souci, Salut Valentin, bonne journée à toi. Salut les chers. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. Max Fosner, pour la suite du son, I took a pill in Ibiza. Oui, j'avais promis aussi Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. On va se le mettre juste après l'actu, le sport. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. Morning Best avec les meilleurs moments du morning de Difool, de la déconne et du son. On va parler horoscope. Quel est le signe le plus délinquant? D'après vous, il y a Difool qui va vous donner la réponse dans quelques secondes. Et donc là, on y va. Rémi, c'est parti. Ouais. L'actu, le sport, la météo. Eh ben encore une journée pas terrible hein, aujourd'hui. On n'a plus aucun département en vigilance orange. Hein. Météo France a levé ses alertes. Mais de manière générale, c'est instable. Ce sera plus pluvieux et nuages dans le sud-ouest, aussi de la Normandie aux frontières du nord. Des averses attendues également sur le Dauphiné, le Massif central et sur les Alpes. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs, mais des éclaircies quand même assez timides. Les températures ce matin, 13 degrés à Beauvais, 14 à Lille et à Rouen, 16 à Saint-Etienne et à Paris, 17 à Nancy, 18 à Strasbourg, 19 à Lyon, 22 à Marseille, 23 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Brest, 20 à Nantes, 21 à Lille et à Paris, 22 à Orléans, 23 à Toulouse, 24 à Lyon, 25 à Auxerre, 28 à Marseille et 30 du côté de Toulon. La pollution, c'est pas trop mal. Les

Il est 9h20, on est mardi matin, il y a un long week-end férié qui se prépare, le grand week-end du 14 juillet, c'est le Morning Buzz sur Skyrock avec de la déconne et du son, on vient d'écouter Justin Timberlake pour Can't Stop the Feeling, nouvel épisode du Morning de D-Fool maintenant avec D-Fool et Romano et Mike Posner juste après pour I Talk Pelini Ibiza. Bon, on va parler d'amour, on aura notre horoscope de l'amour, mais on va faire un autre horoscope aussi, c'est l'horoscope de la délinquance. Ah. Une étude a été faite sur 1900 affaires au Canada. Ouais. Selon cette étude, quel est le signe pour vous qui est le plus délinquant? Moi j'ai une idée, mais je vois pas pourquoi ce serait ça, c'est du hasard, scorpion. Pourquoi tu... Parce qu'ils ont une petite queue qui pique. Non, parce que c'est des caractères qui sont quand même durs. Non, les scorpions, ils sont au milieu du classement. Ah d'accord. Le signe le plus délinquant, alors attention si vous avez des béliers autour de vous. Ah. Parce que moi j'ai un ami, il est voleur, mais il est pas bélier, hein. Je crois qu'il est verso. Ouais. C'est les béliers qui sont les plus délinquants. Ah ouais. Ah, c'est les béliers, ma mère est bélier. Eh bah tiens, c'est gaffe, elle a dû tirer de la thune ou des trucs. Ah ouais. C'est une thug. C'est trop ouf. C'est qu'une thug, c'est qu'une thug. Ouais. Je suis qu'un thug, ouais. Big up à la maman de Karim. Je suis qu'un thug, ouais. Donc les béliers ont un. Moi, ma mère est balance. Les balances ont deux. Ah, oh, ben voilà. Faut que je fasse attention, ouais. Ouais, ouais, les balances. Mon père balance. Oh merde, ma meuf est balance. Karim, c'est une horreur ta vie. Je suis entouré de gangsta, quoi. Ouais, de gangsta femme. Attention, ouais. De gangsta woman. Donc, bélier, le signe qui est le plus victime de ça. Après les balances, après les vierges, après les lions. Cinquième, on a les poissons. Sixième, les capricornes. Et ben voilà. Faites attention à moi. Et les signes les moins délinquants sont les sagittaires, carrioles. Ah, mais oui, je le sais. Sages. C'est parfaite. On est dans l'honnêteté, nous. Ouais. Et les versos. Les versos sont 11e sur 12. Ah, bah, tu vois. Moi, je suis totalement honnête. Ouais. Alors que c'est les plus fourbes. N'ayez pas peur. Ouais, bah, moi, je me méfie parce que j'ai déjà vu Romano voler un téléphone, celui du Youssoupha. J'ai déjà vu Romano me voler 20 euros. D'ailleurs, il va falloir me les rendre, Romano. Ne compte pas les briquets. Les briquets, c'est les cigarettes. C'est bizarre que les versos soient seulement avant-dernier du classement de la délinquance. Ce qui est hallucinant, c'est qu'Ariel, elle dit les briquets. Par contre, elle est bien contente de les utiliser à la maison. Non, moi je les achète. Il avoue en plus qu'il te les vend. Et voilà. Il l'a dit. Non, mais bien sûr. C'est enregistré là. Bien sûr. Non, mais en fait, je rentre à la maison et Karion, elle me fait: il a qui encore ce briquet? Bah, je fais: à ton avis. Full. Bah, je fais: il a rien vu. Ah, c'est bon. Tu t'es vendu, Romano. Ouais. Non, mais moi, j'avoue que je te veux le demander. Oui. Alors, je vous donne le classement complet, comme ça vous aurez tous vos signes. Ouais. Donc, les plus délinquants, les béliers. 2, les balances. 3, les vierges. 4, les lions. 5, les poissons. 6, les capricornes. Mmh. Et donc, pour les moins délinquants, 7e, les scorpions, les gémeaux, les cancers, les taureaux et les versos et les sagittaires. Fais gaffe, regarde, t'as volé un truc. Mon briquet. Non. Non. Mon portefeuille. Je porte encore pire. Mon portefeuille. Il est là. Ouais, il est lourd, mon portefeuille, Romano. Ah ouais, putain, il te ramène des lingots d'or ou quoi? Ah ouais. En fait, c'est pas un portefeuille, c'est un porte-lingot. T'as vu, je suis là pour te sauver, moi. Merci. Quelle honnêteté. On aurait partagé, tant pis pour toi, Karim. Il y a Iron Matt du 62 qui nous dit: ma femme est bélier et moi je suis vierge, à nous deux, on va faire un gang. Bah ouais. Allez-y. Bonnie and Clyde. Bon. Tu peux faire un gang, oui. Ouais. Nana aussi, je confirme, mon papa est bélier, c'est un gros voleur. Ah, ça balance. Faites attention autour de vous, maintenant vous savez qui est dangereux, donc demandez-leur leur signe et vous verrez tout ça là. Très bien, parfait. Bon, c'était l'horoscope de la délinquance en exclu pour vous, ouais. Sur Skyrock. Ouais, ouais, ouais. 6h-9h, bon, les shows. Le morning de D-Fool sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. I'm not afraid to

Je connais pas de boulard. Chez nous, les boulards, on est cancre de grand-père en père et en fils. Bravo. Ouais, bah j'en ai rien à foutre. Tu viens pas en cours. T'as tort. Non, mais j'en ai rien à foutre de tes conneries, là. C'est la récré, là. Non, mais c'est t'as rien d'autre à foutre. Moi, j'ai autre chose à foutre. Tu fais quoi? Alors maintenant, t'as intérêt à te calmer parce que sinon, ça va mal finir. Doucement, Rambo. D'accord. Dans ton cul, le blond. Ouais, c'est ça, votre pire foot. C'est de connard, vous. Tu peux lui mettre un coup de boule? Ouais, bah vas-y, bah viens. Arrête. C'est quoi, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ouais, ouais. L'autre, tu viens pas en cours, tu es, en plus c'est de la récré tout ça, espèce de blond tout ça, attends, il se prend pour qui lui? Espèce de blonde? Ouais, blond, qui m'appelle. Je me rappelle encore de tout. Bon, hey, tu vas arrêter de nous saouler, espèce de connard, parce que je vais vraiment m'énerver, là c'est sa fille. Couton, mais bien. Tu vas aller te saouler la gueule ailleurs et éviter d'emmerder les gens. Oh, c'est pas le genre de la maison. Pas le genre de maison, non. Sorry, elle est partie. Putain, la fille a remis toutes les choses en attention, place. Attention, elle a menacé de s'énerver quand même. Merci, Kev. Hey. Eh ouais, rien à foutre. Eh, hey, lui, il est premier sur le foot. Hein. Ouais, rien à foutre. Hein. J'en ai rien à foutre. J'ai autre chose à foutre. Va te faire foutre. Et ça, qu'on l'appelle le blond. Il m'appelle le blond. Bah, ça, il l'appelle. Voilà, mais attends. Donc, Kev, tu sauras la prochaine fois qu'on appelle Philippe. Faut pas lui dire le blond, ça l'énerve. Ouais. Il m'appelle le blond, il parle de la récré. 6h-9h, oh, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Le son des vacances découvert sur Skyrock One Dance de Drake à 9h-5 le 9-12 en prépa avec Fred. Il y aura plein de sons à écouter tout au long de la matinée, notamment Rihanna qui va débuter l'émission. Rihanna, Calvin Harris, This Is What You Came For. Attention, si Fred vous passe juste derrière un deuxième son de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartirez avec vos places par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna vendredi soir du côté de l'Alliance Rivera de Nice. Le Morning Best terminé pour ce matin. Vous retrouvez Difool tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h pour la spéciale de l'été. Et pour terminer l'émission, Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016 plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Pour terminer l'émission, on fait tourner la roulette. Allô Christophe. Allô Vincent, bonjour. Bienvenue à toi Christophe, 30 ans, Bruay-sur-Escaut, ouais. près de Valenciennes. C'est bien ça. Bon, chaud pour la roulette?

service de retour. Aujourd'hui sur notre forum, Kevin The King en direct de Beaune. Kevin The King, racontez-nous. Je devais changer mes disques de frein avant les vacances. J'ai un copain mécano, je voulais les acheter moi-même. Vous êtes allé où? Sur le .com. C'était pas cher, mais il y avait comme un mystère. Un mystère? Oui, le type était pas clair, les pièces avaient pas l'air fiables. Alors je suis allé sur MrAuto.com et là, plus de mystère. Des pièces neuves, pas chères et 100% d'origine. Mon copain qui est mécano a pu les monter le lendemain, c'était tout bénef. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, Mr Auto. Pas seulement pour les pros. C'est la fête nationale chez Intermarché. Et pour fêter ça en beauté, votre Intermarché est exceptionnellement ouvert jeudi 14 juillet. Oui, Intermarché est ouvert ce jeudi. Alors venez vite en profiter. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Retrouvez la liste des magasins ouverts jeudi 14 juillet sur intermarché.com. On retrouve Patrick en direct du Tour à Rennes. Comment se passe l'accueil de cette nouvelle étape? Formidable. Chez Ibis, les gens de l'accueil sont souriants, professionnels, 24/24. Alors c'est simple, on a envie de les embrasser. Non, pas toi, l'autre, la fille. Merci. Cet été, à partir de seulement 35€ la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. Skyrock, rap et R&B non-stop. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Just imagine.

Ouais, je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. Non. Skyrock avec à l'instant le son de Florida, c'est ce qu'on écoutait sur Skyrock à 10h moins le quart. Dans 15 minutes, coup d'envoi des inscriptions pour faire tourner la roulette. N'hésitez pas à faire tourner, il y a la compile Planète Rap 2016 qui est sortie, 3 CD pour vous à choper en même temps sur la compile Planète Rap 2016 et la fameuse enceinte Monster aussi. Ce sera d'ici un petit quart d'heure pour le coup d'envoi des inscriptions sur Skyrock.